pour des remorques fiables, robustes et de très grande qualité. C'est chez Remorque 2000 qu'il faut aller. Nous fabriquons des remorques en aluminium dont la structure est garantie 5 ans. Pour plus de détails, visitez notre site web au remorque2000.com. Remorque 2000, au 643 Dequin, Dolbeau-Mistassini, au 418-276-9383. Toute notre équipe invite la population à acheter localement pour soutenir notre économie. Lancement d'un livre très intéressant, je te l'ai me l'acheter hier, Les 100 meilleurs joueurs du Canadien, c'est fait aux éditions du Journal de Montréal par 4 ou 5 journalistes du Journal de Montréal qui se sont réunis et qui ont décidé de lancer ce palmarès-là. Et ça, c'est un beau sujet à débat et on va parler avec un de ces journalistes, c'est Marc Defond, lui parle de temps à autre. Salut Marc! Bonjour Danny. Marc, c'est tout qu'un livre pour faire des débats, ça. Hier, je vais te dire, Stéphane Labeau collabore régulièrement avec moi, puis je l' ai appelé, puis j'ai personnellement, puis j'ai dit, Stéphane, t'es d'un 100 meilleurs joueurs du Canadien, puis il était flatté. Puis je lui disais, à la blague, j'ai dit, Stéphane, j'ai dit, moi, je te compare souvent à David Desharnais, pas mal le même style de joueur, pas mal le même parcours, pas mal. Mais lui, il dit, hey, il dit, David Desharnais a pas compté 31 buts dans une salle comme moi j'ai fait. Sauf que je lui disais que peut-être qu'à l'époque, David Desharnais l'aurait compté. C'est un compteur de 20 buts aujourd'hui, c'était de 30 buts à l'époque. C'est pour ça pour te dire que c'est difficile de comparer les époques. Puis c'est un beau livre pour les débats, en tout cas. T'as bien raison de dire qu'on peut pas comparer les époques. Parce que le hockey change. On le voit. Ouais. On pourrait dire que le hockey change par tranche de 10 ans? Par segment de 20 ans. OK. Alors, je dirais peut-être 20 ans, peut-être, ça dépend, mais ça encore, c'est matière à débat. Ouais. Mais quand on fait un classement comme ça, moi, c'est pas la première fois que je participais à un tel classement. Il y a une revue hockey, je pense, qui s'appelle la revue hockey au Québec. Ouais. Le chef de titre m'échappe, là, mais j'ai participé à des classements, les 100 meilleurs joueurs de la Ligue nationale, les 100 meilleurs Québécois. Là, maintenant, les 100 meilleurs joueurs du Canadien, ça fait jamais l'unanimité. On voit des joueurs, un avant un autre, ou l'autre, on le voit plus loin. Mais c'est ça, la beauté de l'exercice. Hier, il y a déjà des gens m'ont écrit pour dire, certaines personnes pensent qu'il n'y a aucun joueur de l'édition actuelle ou des dernières années qui devrait faire partie de ce relevé-là. Mais il faut faire attention, là. On parle de Carey Price. On va parler nommément de Carey Price. Carey Price, s'il reste avec le Canadien, c'est pour combien d'années encore, mais il s'approche du total du plus grand nombre de victoires par un gardien du Canadien qui appartient à Jacques Plante. Ouais. Avec 314. Donc, il a pas gagné la Coupe Stanley. Mais Price demeure quand même, je pense qu'il a sa place parmi les 100 premiers. À savoir où il se situe exactement, c'est à chacun sa façon de voir les choses. Est-ce que les chiffres, juste les chiffres en ligne de compte, là, parce que je suis content que tu m'arrives avec ça, j'ai participé à 100 joueurs, aux 100 meilleurs compteurs, 100 meilleurs joueurs d'histoire de la Ligue nationale, les 100 meilleurs joueurs du Canadien. Est-ce que c'est juste les chiffres? Parce que moi, je vais te donner un exemple. On vient du lac Saint-Jean. Michel Goulet, qui a compté 547 buts, qui était Wall of Fame, et même pas figure dans les 100 meilleurs joueurs. C'est assez spécial, ça. C'est-tu juste c'est quoi qui rentre en ligne de compte, là? Tout ça? Ben, dans ce cas-ci, c'est mentionné d'ailleurs dans le livre au début par le directeur des sports de la section du Journal de Montréal, ouais. Denis Poisson. Pas vraiment. On ne sait pas vraiment perdre aux chiffres. C'est sûr que parfois on peut pas passer à côté, mais là, c'était vraiment des visions personnelles. Okay. L'impact qu'un tel joueur a pu avoir dans l'équipe, ça y a été pour beaucoup. Puis c'était personnel. C'était vraiment la vision personnelle de chacun. On était 6 sur le panel. Et c'était vraiment la vision personnelle. On s'est pas dit, un tel, parce qu'il a compté tant de buts, il peut pas être derrière un tel, ça. Non. Ça, on l'a pas fait, parce que si on était allé comme ça, je regarde ça. Maurice Richard, c'est lui qui a compté le plus de buts dans l'histoire du Canadien. Suivi de Lafleur. Donc, Lafleur a été devant Bigot. Ouais. Donc, mais non, c'était vraiment là. C'était vraiment selon l'impact. C'était la vision de chacun, puis c'était vraiment bon, l'impact que le joueur a eu. Okay. Ça y a été pour beaucoup. Est-ce que vous y allez avec un consensus? Vous étiez 6 sur le panel comme exemple. Je vais vous placer, je vais lancer un nom en l'air de même. Max Pacioretty au 43e rang. Est-ce que vous étiez, est-ce que les 6 étaient d'accord au 46e rang, au 43e rang, ou c'est vraiment... Non, ça là-dessus, encore là on n'a pas eu, là, on a fait chacun notre placement des 100 premiers. Et ensuite, on a fait une moyenne, tout simplement. Ah, OK. On a fait une moyenne, tout simplement. Puis en fait, je pense que c'est encore plus simple que ça. On est allé par vote décroissant. Donc, un vote de première place, ça, c'était 100 points, là, jusqu'à okay, un okay, point, okay. jusqu'au centième. Puis ça a donné ça. OK. Ça a donné ça parce que si on commence à dépasser, s'il avait fallu débattre sur chaque joueur, chacun des 100 joueurs, ben, je pense que le livre, c'est pas encore sorti, on sera encore Saint-Joseph. Ça fait combien de temps que vous avez fait? Vous avez préparé ce... Ah, bon, on a commencé vraiment, là, parce que c'était dans les airs, ce projet-là, depuis 2 ans, okay. 2-3 ans, mais on a vraiment commencé à travailler dessus l'automne dernier. Ah, OK. Donc, ça s'est fait en l'espace de quelques mois, là. OK. Pas tout à fait un an, là, mais ça s'est fait en l'espace de 7-8 mois. Mais je trouve les gens durs, parce que je regarde Max Pacioretty, qu'il y a des gens qui disent au journal, aucun joueur de l'édition actuelle ne devrait pas être là. Ah oui. Hey, Pacioretty, là, c'est un compteur de 50 buts, parce que c'est un compteur de 40 buts, là, mais tu peux mettre 50 dans les années de Stéphane Richer. Tu sais, puis il l'a fait plusieurs fois, là. Ouais, mais encore là, il ne faut pas commettre l'erreur, là, de faire des transpositions, là, d'époque. Mais Pacioretty, il y a 5... Il y a 5 saisons. Si on enlève la saison du lockout, là, en 2012-2013, là, il y a 5 saisons consécutives de 30 buts et plus. Donc, il y a pas beaucoup de joueurs dans l'histoire. Si on veut vraiment, là, tomber dans les chiffres, là, allons voir combien de joueurs dans l'histoire du Canadien ont connu 5 saisons consécutives de 30 buts. La liste ne doit pas être si longue que ça, là. Non, faut être juste aussi, là. Faut faire la part. Dans tout ça, faut faire la part des choses. Malheureusement, le Canadien, depuis 25 ans, le Canadien n'a pas gagné de coupe depuis 25 ans, et les gens qui ont connu les grandes années du Canadien, ceux qui ont été gâtés, parce qu'il faut le dire, 25 ans, là, ça commence à faire un coup de temps. Donc, il y a des gens de, on va dire, 30 ans et moins, qui n'ont jamais vu le Canadien gagner à coupe Stanley. Ben non. Donc, je peux... Pour eux autres, je pense que Pacioretty soit là, Price soit là, pour eux, c'est normal. Mais pour ceux qui ont connu les grands joueurs, les plus grands joueurs, les grandes années, on a tendance à être vraiment sévère avec les joueurs d'aujourd'hui. Non, sans raison, je peux comprendre, mais il y a quand même des joueurs qui ont leur place là. Oui. Marc, si on parlait maintenant du côté... Moi, ce que je trouve un petit peu dommage là-dedans, puis c'est pas de votre faute, mais les joueurs des anciens, des anciens, là, sont désavantagés parce qu'on les a pas vus jouer. Ah oui, Morantz. Les historiens du hockey disent que Morantz était aussi fort que le Rocket. Écoute, c'était d'ailleurs l'idole du Rocket. Ouais. Je me trompe pas. Puis il est au 15e. Écoute, moi, personnellement, j'ai pas mon classement personnel sur les yeux, mais il était dans mon top 10, je pense. OK. Je pense qu'il était dans mon top 10. Mais c'est sûr qu'il y a des... Ça, c'est toujours... Puis en plus de ça, je pense qu'Harry Morant a été élu le meilleur joueur du premier demi-siècle, la première moitié du 20e siècle. Oh, oui. Mais bon, c'est un joueur qui a joué de 1923 à 1937. Ce qu'on voit de lui, c'est des vieux films en noir et blanc. Yeah, ouais. On disait que c'était le joueur le plus rapide de son époque. On l'appelait l'éclair de Spratford. Mais c'est sûr que là-dessus, c'est un peu injuste. Je pense que ça part là-dessus. Oui. Parce que Aurel Joliat, 35e aussi. Oui. Moi aussi, j'en avais plus haut parce que c'était le joueur favori de mon père. OK, ouais. Et mon père m'en avait beaucoup parlé d'Aurel Joliat. Il m'avait même dit, c'est sûr qu'il dit qu'Harry Morin, c'était un grand joueur. Mais il me disait que Joliat... Aurel Joliat, il était pas loin de Morantz, il était peut-être aussi bon. Lui, en tout cas, il préférait à Morantz. Puis quand on regarde le nombre de buts, Je pense que Joliette a compté autant de buts que 270 buts, je pense, dans sa carrière. Ouais, ouais, ouais. Le même nombre que Morenz. C'était un joueur très petit. Mais que, bon, en désavantage numérique, la légende, ben, je sais pas, on dit qu'il pouvait garder la rondelle pendant presque 2 minutes à lui seul, durant des infériorités numériques, là. Ouais. Mais encore là, hein, c'est les époques, puis là, ben, le Canadien, peut-être que si on avait fait un classement il y a 25 ans, probablement qu'il aurait été, plus bas, il aurait été plus haut. Ouais, effectivement. Mais là, après 100 ans, c'est évident que plus le temps passe, puis les joueurs, ben, il y a des joueurs, donc on perd un peu le. Ils se perdent un peu là, dans l'histoire. Là. On ne sait pas trop, on les connaît moins. Ben, c'est ça. Plus ça va aller, plus ça va être comme ça. Ben, puis dans 50 ans, peut-être que le Rocket, tu sais, quoi que les archives vont. Non, lui, je pense que dans le cas du Rocket, je pense que sa place est. Sécurisée. Okay. Oui, ben, c'est parce que le Rocket, là, il y a des. Lui, par contre, c'est là qu'on voit que c'est une légende. Il y a des gens qui n'ont jamais vu jouer, il y a des gens qui l'ont pas connu. Mais son histoire se transmet d'une génération à l'autre. Parce que Maurice Richard, lui, il se considérait comme un simple joueur de hockey, mais aux yeux du peuple québécois, surtout ceux qui l'ont vu jouer. C'est un personnage plus grand que nature parce que Maurice Richard est arrivé à une époque où, comme on nous appelait à l'époque, les Canadiens français, on était des citoyens de deuxième ordre. C'était la domination anglophone. Les anglophones détenaient les gros postes, avaient des entreprises. Puis les Québécois là-dedans, les francophones étaient. Bon, c'était les employés, les ouvriers. Et Maurice Richard a montré, les gens ont vu, hey, on a un gars de chez nous qui est capable de s'affirmer sur la place publique, qui est capable de montrer qu'on est les meilleurs. Maurice Richard, c'est à ça. Et l'émeute aussi ajoute pas mal à la légende. L'émeute, l'histoire de Clarence. Ben, l'émeute, c'est pour ça. Plusieurs historiens vont dire que l'émeute du Forum en 1955. Ouais. Ça a marqué le début de la Révolution tranquille. C'est pas tout à fait faux. C'est pas faux de penser ça, parce que ceux qui ont vraiment vécu ces années-là, là, ça, comme je disais tantôt, on se promenait à Montréal. Les affiches étaient unilingues en anglais. Les affiches étaient unilingues anglaises. C'était vraiment un autre monde. Là. Donc, Maurice Richard, pour ça, là, ça a été un porte-étendard. Lui, je ne vous disais pas comme ça, même en dernier, je me rappelle le soir de la fermeture du forum, j'étais là, on se rappelle de la version qu'il a reçue. Et après, on lui a demandé, est-ce que vous pensez que, est-ce que vous croyez maintenant que vous êtes peut-être vous avez en termes magiques, vous êtes le drapeau du Québec pour les gens. Puis il avait dit du bout des lèvres, il avait dit peut-être, mais il se voyait vraiment pas comme ça. Puis d'ailleurs, lors de ses funérailles, c'était des funérailles nationales, le gouvernement du Québec avait demandé à la famille si elle voulait que le drapeau du Québec soit sur le cercueil. Ouais. Et la famille avait dit non, parce que Maurice Richard n'avait jamais voulu être identifié comme ça, puis il voulait surtout pas être un objet politique. Ah, OK, OK. En terminant, Marc, très bel exercice, très beau livre. Est-ce que vous allez en sortir un sur les directeurs généraux et les entraîneurs? Il me semble que ce serait bon aussi. On dit ça à la blague. Où est-ce que vous placeriez Pierre Gauthier? Et Bob Gainé, dans le classement. Ouais. Hey, quand on regarde ça, depuis 1995, on n'a pas été gâtés comme DG. Moi, je dis qu'à la blague, que depuis le départ de Serge Savard, le meilleur DG aurait probablement été André Savard, mais on n'a pas laissé le temps. Ben, moi, je suis exactement de ton avis, Danny. André, il n'a pas eu le temps. Non. Je pense. C'est peut-être facile à dire, mais c'est peut-être celui qui nous a. C'est peut-être celui qui nous aurait surpris dans le lot. Parce que, bon, lui, c'était son premier emploi de directeur gérant. Bob Gainé, il avait été à Dallas. Pierre Gauthier, il avait été à Ottawa, en Inde. André Savard, on s'attendait vraiment à rien de lui. On savait que c'était un homme de hockey expérimenté, parce qu'il avait travaillé comme entraîneur avec les Nordiques, pas longtemps, mais entraîneur adjoint, il était direct, il s'est occupé de, il a fait du recrutement, il a tout fait, il avait tout fait, là, André, avant de devenir directeur général du Canadien. Ouais. Il avait tout fait, là, au niveau administratif, il avait tout fait ça, lui. En plus d'avoir connu une carrière de joueur dans la Ligue nationale. Bon, malheureusement, ce qui est arrivé, c'est que à ce moment-là, le propriétaire du Canadien était George Gillette. Mm. Et il y avait le président de Molson Coors à l'époque, Dan O'Neill, c'est lui qui avait suggéré à George Gillette d'embaucher Gainey. Il voyait dans sa soupe. Dan O'Neill voyait Bob Gainey dans sa soupe. George Gillette a rencontré Gainey, a été séduit lui aussi. Mm. Puis c'est comme ça que ça s'est fait, hein. Ça s'est fait, l'arrivée de Bob Gainey, c'était... tu sais, des fois, on dit, c'est pas qui tu es, mais les personnes que tu connais. Mm. Dans son cas, lui, puis écoute, il s'amenait, il y avait une auréole, tu sais, il avait connu une grande carrière avec le Canadien, capitaine du Canadien. Ouais. Il avait gagné une Coupe Stanley à Dallas. Le Canadien tournait en rond. On a voulu faire un coup d'éclat, mais ça n'a pas fonctionné. Mais, ben la carrière de directeur général de Bob Gainey à Montréal, ça n'a pas été un succès. Non, puis c'est un pire, on a sacrifié un gars, un évaluateur de talent hors pair qui est en train de savoir, mais ce serait bon, faire le même genre d'exercice, mais avec le DG et les entraîneurs. On s'apercevrait que depuis 1995, on n'a pas été gâté. Marc Bergevin, très grande déception tant qu'à moi. Bref. Ben, moi, je pense que dans le cas de Bergevin, si on fait la part des choses, je pense que les trois premières années, on pouvait faire un bon bilan, puis on regardait les jeunes qui étaient là, puis on se disait, hey, ils s'en vont dans la bonne direction, là. Mm. Parce qu'il y avait Souban, il y avait Beaulieu, ouais. Galchenyuk, Price était au sommet de son art, Pacioretty marquait des buts, on regardait ça, puis on se disait, hey, ça a de l'allure, moi j'ai vérifié d'autres jeunes, là, mais là, Souban n'est plus là, Beaulieu, lui, il est un peu responsable de sa chute aux enfers, parce qu'il a manqué de sérieux. Galchenyuk, on ne sait plus trop où il s'en va. Là, c'est sûr que depuis deux ans, plus, on a quand même une troisième année. Depuis la blessure de Carey Price, là, c'était quelque chose dans la chute. Puis moi, j'ai perdu confiance, c'est cet été, quand il n'y a rien fait. Puis ça, j'en ai parlé, Marc, cet été, quand on s'est parlé, dans le recrutement puis dans le développement. Quand il y a un problème, tu règles le problème, puis toutes les analyses ont été faites, que Timmons et Lefebvre aussi, ça laissait à désirer, puis il aurait dû avoir au moins un changement, puis il n'y a eu aucun changement, il y a même eu des promotions. C'est à partir de ce moment-là. Ah oui, il y a eu des promotions. Ouais. Mais là, si ça, la tendance se maintient, ouais. Et que l'équipe rate les séries, il va falloir qu'il y ait de gros changements à la fin de l'année. Ouais. Est-ce que Jeff Molson va congédier son directeur gérant? Ça reste à voir, on verra. Ouais. Mais s'il maintient en poste, Marc Bergevin n'aura pas le choix de faire un petit ménage autour de lui. Ben, il n'aura pas le choix parce que là, ça va être... S'il veut sauver ses fesses, là, ça va être ça. Ouais. Donc, il n'y aura pas le choix, là. Il va falloir qu'il regarde autour de lui. C'est principaux lieutenants, là. Puis, il va falloir qu'il y a des têtes qui vont couler là-dedans. Il n'y aura pas le choix. Non, c'est clair. Marc, très intéressant encore une fois. Je vous félicite pour ce très beau livre. Et j'espère que vous en avoir un sur les DG et les entraîneurs. Ça pourrait être aussi intéressant, puis ça pourrait faire aussi des bons débats. Ouais, ben la liste est moins longue par contre. Ouais. Tu sais, je veux dire, effectivement. C'est moins long, donc c'est sûr qu'il y aurait peut-être quelque chose à faire, mais peut-être pas dans le même, peut-être pas de la même façon. Ouais. Marc, deux fois très intéressant, on se reparle un autre tantôt. Merci beaucoup. Journal de Montréal, Marc Defoy.